Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom Luc, est... Luc, Ouais. Je suis obligé de te faire une petite pause. Ah déjà? Ben là, Ouais, parce... ben non, c'est parce qu'on n'enregistrera pas cette semaine si ça te dérange pas trop. Fait que tu me fais préparer tout, puis tu me dis ça là, là? Ben, pour finir mon ménage, puis il fait beau, fait que je vais en profiter pour faire mon gazon. Puis, tu sais, Ouais. là, j'ai de la visite qui va arriver cet après-midi. La maison est à l'envers un peu. Ouais. J'ai pas bien le temps, là. Marc, j'ai vu ta photo sur Facebook, c'est à McLaren, Ouais, il y a un petit peu de ça aussi, là. hein? Ouais, ok, c'est bon. Fait que finalement, pas de choses cette semaine, mesdames et messieurs, parce que Marc est occupé à se promener en McLaren pendant que Ouais, mais je moi vous et vous. promets que je vais vous en parler la semaine prochaine, par Ouais, exemple. t'es bien mieux. Ok. Fait que mesdames et messieurs, on va se reparler la semaine prochaine pour une émission de Ça roule Radio quand Marc aura rapporté sa McLaren. Ouais, mais c'est une fin de semaine de 3 jours, Luc. Ouais, je sais, je sais. OK. Bonne semaine, mon cher. Toi aussi, pareil. Bye tout le monde.